Niko na lamukia kila ndugu na kila dada mu jina Yesu Kristo. Je salue chaque frère, chaque sœur dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunapikia Mungu asante kutukaburia siku ya leo. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir accordé la journée. Siku mzuri kwetu. C'est encore une belle journée pour nous. Il faut toujours avoir la joie lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire qui va parler aujourd'hui. Lorsque vous venez ici, ayez confiance uniquement en Dieu. Celui qui connaît mieux votre problème, c'est seulement Dieu. Le micro-cravate, on ne nous a pas donné. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Ouvrons notre Bible dans Proverbe 18. Proverbe 18, Mesali Kumi Namnani. Prenons dans son verset 10. Tu n'avais à quoi jusqu'à 12. Jusqu'à pas la Kuminambiri. Bible qu'on a sait Maïvi. La Bible dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Jina Yoamilele Nimnara Yanguv Kabisa. Le juste s'y réfugie. Benyaki, benenda kufucha mamu. Et se trouve en sûreté. Na beko na patikana katika ukingo ya kika. La fortune est pour les riches une ville forte. Mali ni njo ya batajiri muji ya nguvu. Dans son imagination, c'est une haute miraille. Mukufikiri kwabo beko na wazia sema ni kibambashi wala ukuta ya nguvu kabisa. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mbele ya waribifu, mroyo ya mutu iko na nyanyua inapanda. Mais l'humilité précède la gloire. Lakini unyenyekevu ndio kuna tanguria utukufu. Tuko na kupikia asante mfalme na Mungu wa kumbingu. Roi et Dieu du ciel, nous te disons merci. Asante kwa mapendo yako. Merci pour ton amour. Asante kwa neema yako. Merci pour ta grâce. Na kwa bintu biote bizuri bile wewe Mungu unatufanishia. Et pour beaucoup de choses que tu fais pour nous. Tuko naishi kumashiku ya kumwisho. Nous vivons au temps de la fin. Lakini juu ya neema na mapendo yako kwetu. Par ta grâce et ton amour envers nous. Ulitutumia neno ya correction. Tu nous as envoyé ta parole de correction ya kunyolosha. C'est pour que nous ne puissions pas vivre comme les restes du monde. Parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux dans cet âge. Ce soir, nous t'invitons encore. Descends au milieu de nous. Kama mtu anasema atapanda lufu. Si un homme parle, il va semer la mort. Mais kama wewe unasema manafsi tafarijiwa. Mais si toi tu parles, nos âmes seront consolées. Ushuke Seigneur katikati yetu. Descends au milieu de nous. Na utufundishe manjia yako. Enseigne-nous tes voies. Yote alikuwa hapa ifuashi mtenda nzambi. Tout celui qui est entré ici comme un pécheur. Atoke mwenye kukombolewa. Puisse sortir sauvé. Ule aringia mgonjwa. Celui qui est entré étant malade. Avec un problème qui préoccupe sa vie, en sortant, accepte de lui consoler. Nous t'abandonnons la conduite de ces cultes du début jusqu'à la fin pour que tu puisses dominer tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, te prions ainsi. Amen. Amen. Nous voulons introduire notre sujet. Kuko message ndugu Branham arubiriaka iko ma message karibu 4 si je me trompe pas. Kama sidanganye inapashi kwa ujumbe hata ine que le frère Branham avait prêché sur ce thème. Il a intitulé laisser échapper la pression. Aliweka sema mwache kusonga upate kutoka. Mungu apate kumibariki. Que Dieu bénisse. Na ni katikati ya hii mahubiri ndio mtashikia. C'est dans cette prédication vous allez comprendre. Kuregalaka masije ingine. Il y a plusieurs autres sujets. Kama tunasema titre. Lorsque nous parlons seulement du titre. Bantu abaji retrouver. Les gens ne se retrouvent pas. Mais wakati tuko nasema tuko naingia mu profondeur ya ile mawazo. Nous allons développer notre pensée. Ndio watu wana comprendre kile roho ilikuwa anapenda kusema kwa kanisa. C'est alors que les gens vont arriver à comprendre ce que l'esprit voulait dire à l'église. Nous prenons ces sujets conformément au temps dans lequel nous vivons. Nous vivons au temps de la fin, dans les derniers jours. Ce n'est pas tout misemo oye oye des prédicateurs à Pan. Aina ju bantu. Beko nasema ile maneno juu ya kukaburia bantu boka. Ce n'est pas pour faire peur aux gens qu'on est en train de dire ça. Kufatana na wakati tuko naishi. Selon le temps dans lequel nous vivons. Mambo yote konaonesha kusema tuko naishi kumashiko ya kumwisho. Tout prouve que nous sommes dans les derniers jours. Yesu Kristo ule alitutumia mujumbe mwiki kizazi. Jésus, lui qui nous a envoyé ce message dans cet âge. Juu tupate kujitayarisha twende mkunyakuliwa. Notre préparation est aller dans l'enlèvement. Eko karibu kurudia. Il est à la porte. Na hakuna kitumaini kile kinabakia kukanisa. Et il n'y a rien qui est resté comme espérance pour l'église. Sawa kurudia kwa Yesu Kristo. Comme le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Njoo kitumaini moya tu kile tunabakia nakyo. C'est l'unique espoir que nous avons. Yesu Kristo arudie. Le retour de notre Seigneur Jésus. Atutoshe mu matatizo na magumu mbalimbali. Puisse nous faire sortir dans les difficultés et plusieurs problèmes. Mena kile kila nduku na kila dada napasha kuyua ni nini? Ce que nous devons savoir c'est quoi? Kuko kintu kimoya mwiki kizazi. Il y a une chose dans cet âge. Kiko unafanya mambo ya Mungu ishinde kuendeka. Qui fait assez que les choses de Dieu n'avancent pas, n'aillent pas de l'avant. Mukoona maalama ya nyakati tuko naishi. Voyant les signes dans lesquels nous vivons. Na bintu vile biko naenda mbio mbio. Et comment les choses sont en train d'aller vite. Na mukoona hali ya kanisa leo. Regardant maintenant l'état de l'église aujourd'hui. Utavumbula kusema kuko hatari munene sana ku kanisa. Vous découvrirez qu'il y a un grand danger à l'église. Atari moya ya munene. Il y a vraiment un grand danger. Parce que banduku mingi na badada mingi. Parce qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Bien que tu konasema Yesu Kristo eko narudia. Bien que nous disons que Jésus-Christ revient bientôt. Bantu ba mingi abana convaincu. Il y a beaucoup de gens abana na ile tikisho. Na ile ni atari moya munene. Et ça, c'est un grand danger. Tuko na beba hii sujet. Nous prenons ce sujet. Laissez échapper la pression. Mwache kusonga upate kutoka. Parce que shetani anaisha kujorganize mwiki kizazi. Dans cet âge, le diable s'est déjà organisé à chaque fois matengenezo yote. Juu ashiache bantu bakuye tranquille. Pour ne pas laisser les gens tranquilles, bakenyo tuliza na pana. Na anayua kusema kama bantu banabakia mwile ma conditions. Et il sait bien que si les gens demeurent dans de telles conditions. Batakuya na magumu sana juba jitayarishe. Ils auront des difficultés pour leur préparation. Angaria nduku na dada. Regardez mon frère, ma sœur. Ndani ya kila nduku na kila dada. Dans chaque frère, chaque sœur. Zaidi zaidi mwiki kizazi tuko naishi. Beaucoup plus dans notre âge. Moko bintu bya mingi sana. Il y a beaucoup de choses. Bile biko na musonga qui empêche biko na mupresse qui presse ndani ya muntu qui exerce une pression sur l'homme. Bile biko na shindisha muntu kuanza kuishi mukiro qui empêche l'homme de vivre spirituellement ndani ya kila ndugu na kila dada. Dans chaque frère, chaque sœur. Na ile ni shetani njoo konafanya vile. Et c'est le diable qui fait ça. Kama tuko nasema laisser échapper la pression. Kama tunasema mwache kusonga upate. Ni kusema bile bintu biote. avez toutes ces choses qui exercent la pression sur vous dans le cœur des frères et sœurs aujourd'hui. Quand on regarde de près, vous allez voir que les gens sont en train de lutter et pourtant les choses pour lesquelles ils sont en train de se battre, ils ne trouvent même pas. Que Dieu bénisse. Et lorsque Fobanama a pris ce sujet, il disait que nous vivons dans un âge où les gens ne sont pas tranquilles. Comment est-ce que le Dieu du ciel peut marcher avec les gens qui ne sont pas tranquilles? C'est compliqué. Ni en gouffre. Comment est-ce que s'est révélé à des gens qui ne sont pas tranquilles dans les cœurs des gens? Ils ont toujours des problèmes. Ils sont pressés par les soucis de ce monde. Maintenant, de telles personnes, comment est-ce que Dieu va agir avec eux? C'est un danger. Et c'est la vérité. Que Dieu bénisse. Les gens sont devenus seulement l'état spirituel qui devait être dans l'église aujourd'hui ne se voit plus. Et c'est la vérité. Et c'est le diable qui fait ça. Regarde ce qui tourne. Regarde votre préoccupation. Cela vous empêche de faire même une prière sincère. Tout ce qui est dans ton cœur, là dans ton cœur tu es en train de lutter afin de chercher où mais tu tranquillité où il pate. Mais tu n'as pas ça. Tu as paraître lutter dans les choses qui ne pouvaient na pas te conseiller. Et tout ça c'est exactement la vie. Et ça vous empêche même de bien prier. Regardez votre état. Regardez votre état, ma soeur. Qu'est-ce qui exerce une pression dans le cœur qui t'empêche à être une bonne chrétienne? Parce que aussi longtemps mon maïsha yako. Parce que moi quand tu ôtes dans ta vie. Mukingariki kintu kile huko nangaiki sana. Il y a encore quelque chose pour toi. Bakatu kipate. Pour seulement. Bakatu kipate. Peu importe, tu dois faire ça. Lorsque vous n'avez pas de salama. Ton cœur n'est pas. Kukuyangufu. Alors ça te sera difficile que tu puisses te préparer. Est-ce que tu vas moi? On est ensemble. Dieu a poussé ma montre à jitayarisha. Pour se préparer. Pour qu'un homme puisse se sacrifier. Dans son cœur, il doit être d'abord tranquille. Il n'y a rien qui lui préoccupe beaucoup. Avant d'avancer, lisons l'écriture dans Luke. Luca, la Bible dit ceci. Chapitre 21. Luca, makumimbi na moja. La Bible dit ceci. Makumi tatunain. La Bible dit ceci. 34. Makumi tatunain. Prenez garde à vous-même. Mukebe ange mwebenyewe. Nikusema kila nduku na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Anapasha kuanza kukesha sana kwa yeye mwenyewe. Veiller sur lui-même. Ce n'est pas veiller pour quelqu'un d'autre, non. Veiller sur ta vie seule. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ces jours viennent sur vous à l'improviste. Naishi ku ipate kumishutusha. Biblia iko na tumetre en garde. La Bible nous met en garde. Kwa kila ndugu na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Ule unatumainia siku moja kwenda mkunyakuliwa. Qui espère un jour aller dans le ciel. Anapata kufuyer mu maisha yake. Il doit fouiller dans sa vie. Anapata kufuyer mu roho yake. Fouiller dans son cœur. Nini iko na fanya pression? Qu'est-ce qui exerce c'est la pression? Il est kona mushindisha kujikonsacrer. Il lui empêche de se consacrer à Dieu. Est-ce que tu es pas moi? On est ensemble. Chaque frère et chaque soeur doit vraiment s'examiner, examiner sa propre vie. Qu'est-ce qui le préoccupe? Parce que dans de pareils jours, la préoccupation des chrétiens, leur préoccupation est pour la sanctification de leur vie et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est devait être leur préoccupation. La Bible dit ceci. Prenez garde. Musopoki. Que Dieu bénisse. Ujichunge. Vous devez vous garder. Muro yako mushiku ya kitu unaweka pua. Qu'il n'y ait rien dans ton cœur qui exerce une pression. Que Dieu bénisse. Parce que comment on a quoi na kitu kile kinaweka pua muro yako. Parce que si vous avez quelque chose qui exerce une pression dans le cœur. La parole de Dieu ne trouvera pas de place. Et ça, ni atari. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, le monde et les hommes paraissent être inconscients. Ça va Dieu et membre. Frère Branham, on a dit exemple. Frère Branham donne l'exemple. Il dit, vous voyez même le véhicule. Tout ce qui fonctionne avec des moteurs. Pour que le moteur puisse tourner, il y a une pression qui pousse au moteur de tourner. Frère Branham dit, lorsque cette pression n'avait pas de tuyau, il y avait un échappement, le moteur devait exploser. Que Dieu bénisse. Et c'est comme ça que le véhicule fonctionne. Pour que le véhicule puisse marcher, il doit y avoir une pression pour permettre au véhicule de marcher. Et voilà pourquoi on avait prévu une voie qu'on appelle Tio déjà. C'est pour aider la pression qui s'accumule dans le moteur puisse s'échapper quelque part. Que Dieu bénisse. Et la vie de tout homme dans ces mondes, chaque jour, en commençant par le prédicateur, et chaque frère, chaque soeur, la vie de l'homme sur la terre, chaque jour, il n'est qu'à la chine à Kusongwa. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous quoi? Et le moteur peut exploser s'il n'y a pas de tuyau d'échappement. Oui, frère. Diondoku. Na ile tuyo bariweka. Et on a placé ces tuyaux. Ni jua wakati unakuwa forte pression. Pour permettre à ce que s'il y a une forte pression dans le moteur, à travers ce moteur, que les moteurs puissent respirer aussi. Et le véhicule en train de rouler. Parce qu'il y a quelque part où il y a les tuyaux d'échappement. Pourquoi nous disons ceci? Dans la vie de l'homme, même si vous vous trouvez dans votre famille, toi et ta femme, ainsi que les enfants, chaque jour, il y a toujours des pressions qu'on exerce sur ta vie. C'est la vérité. Nous quoi? Que Dieu bénisse. Tu peux être dans la maison, tu n'as pas d'argent, tu manques d'argent. Mais tu dois payer le frais scolaire et payer peut-être le loyer. Ni pression qu'on exerce sur ta vie. C'est une pression par maïcha yak. Que Dieu bénisse. Maintenant, il est pression, il est. Maintenant, la pression. Pression à maïcha. Que ce soit la pression de la vie. Payer la scolarité. Payer le loyer. Vêtir ta femme. Payer les lits. Toutes ces choses-là ne sont pas sur ta vie. Et tu es obligé de répondre à ses besoins. kintu, maintenant, si dans la maison tu n'as rien, alors ta vie est devenue sous tension. Maintenant, si tu n'as nulle part où il y a un petit tuyau d'échappement, c'est là où vous écoutez un homme dire, lorsque les choses lui compliquent, ah, il va perdre le contrôle. Que Dieu bénisse. Lorsqu'on lui pose la question, il va répliquer. Vous voyez d'où provient ces répliques. C'est là qu'il dit où le mutu anesha kusongwa, maintenant il ne sait pas faire échapper. Maintenant il devient nerveux. Il devient colérique, il parle n'importe quoi. Et un autre peut même outrager les gens. C'est la vérité. Nous quoi? Que Dieu bénisse. Et c'est comme ça la vie de l'homme. Tu peux mettre ton argent dans les commerces. Comme tu espérais investir, ce n'est pas ce que tu as trouvé. Tu as investi 600 dollars pour espérant avoir 1000 dollars à la fin du mois. Mais à fin de compte, vous retrouvez avec 200 dollars. Et de telles conditions, ça vous met sous pression. Il a mis songwa. Que Dieu bénisse. Vous avez conçu comme calcul. En ce talent, c'est tombé dans l'eau. Et puis ton cœur devient agité. On est encore ensemble. Que Dieu bénisse. Ça vous fait, ça vous met sous pression, Chinaxon. Maintenant, si tu n'as pas le tuyau d'échappement, tu vas exploser, tu vas faire de bêtises. Tu vas faire les choses qu'on ne peut même pas comprendre. Tu diras les choses que tu ne pensais même pas prononcer. C'est pourquoi les dieux du ciel, c'est lui qui nous connaissait dans cet âge. Il ne voulait pas nous laisser nous aussi comme ça. C'est la vérité. Nous quoi? Que Seigneur bénisse. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui exercent la pression sur nous. Et la vie de l'homme sur la terre continue à ressongwa. Tu peux avoir une femme. Vous quittez, vous allez en voyage. Pensant que je vais trouver ma femme, elle est en paix. Vous arrivez à la maison. Vous retrouvez votre femme en colère avec des paroles qui vont irriter ton cœur. Et tout ça, c'est une pression qu'on exerce sur ta vie. Que Seigneur bénisse. Et si vous n'avez pas de tuyaux d'échappement, on apprendra qu'il y a un frère et une soeur en train de se tabasser. C'est la vérité. Dieu ne veut pas que ses enfants aient des mères comme ça. C'est pourquoi mon Dieu, voilà pourquoi notre Dieu, il a arrangé une canal par laquelle on pourrait faire échapper notre pression. Un enfant de Dieu véritable, il a des canaux d'échappement à Izuru, les problèmes qui peuvent lui arriver. C'est la vérité. Il a des canaux d'échappement. Lisons le frère Branham. Il dit ceci. Mon message, laissez échapper la pression. Dans le message, Mwache Kusonga Opadoktok, Dubanam, il dit ceci. Tout qu'on a somma un message, ni laisser échapper la pression à mon 13 mai 1962. Il y a le 13 mai 1962. Paragraphe Yake 35. Nous taïke Yamakumi Tatunatan. Dubanam, il dit ceci. Nous vivons dans un âge de névrose. Tuku naishi mukizazi kimwaki abatu wa majimu. Un âge de tension nerveuse. Kizazi kiabatu beupaka bakushirika shirika. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Njo kizazi kile tuko naishi. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Parce que tu ne peux pas quand même insulter ton frère si tu n'es pas irrité ou fâché ou énervé. Non. Tu ne peux pas répliquer ton frère. De répliquer si tu n'es pas nerveux. Non. Il y a beaucoup de choses que nous voyons sur la terre aujourd'hui. C'est parce que les hommes sont des névrosés. Tellement qu'ils ont beaucoup de problèmes par lesquels ils veulent seulement accomplir tout, mais ils n'arrivent pas à accomplir ces problèmes, et sur ça ils sont devenus nerveux. Il y a les gens qui s'énervent même là où il n'y a pas de problème. Il va s'énerver. C'est compliqué. Ni atar. Tout le monde. Bat bote. Court ici et là. Bura kimbia huku na huku. Mais il ne va nulle part. Mais akuna kule peko nenda. Est-ce que tu vas moya? On est ensemble. Où t'as remarqué leo mon maisha ya bantu? J'ai marqué dans la vie des gens. Comment on regarde ta matendo bantu peko na tenda leo? Quand vous regardez même comment ils sont en train d'agir. Où t'as regardé si ma mouko précipitation sana? Bat beko mbio mbio sana. Où t'as juriza beko na tafuta kufika wapi? Poser la question. Où est-ce qu'ils veulent en arriver? C'est grave. Ni atari. Vous allez voir les gens. Dans tout ce qu'ils sont en train de faire, il y a toujours de la rapidité, les gens. Maintenant, vous courez, vous allez où? Dubana me dit, dans cet âge, même les accidents qui se passent aujourd'hui, parce que les gens ne sont pas tranquilles. Et la chose pour laquelle je suis en train de l'éditer, il ne trouve pas. Cela n'arrive que dans cet âge. Il est où on a fait tout le temps à Mouikizazi. Que le Seigneur bénisse. Ah, c'est moi, il n'a fait pas à Mouikizazi. Cela n'arrive que c'est moi dans cet âge. Je sais que cette église. Je sais que c'est moi qui ça. Est harcelé par cela. Nayo, il n'a songwa kupitia ile. Comme partout. Ça fait chiotte. Le tabernacle est harcelé par cela. Il m'a scanné le tabernacle. Nayo, il y a un son qui pitié. Il m'a carré ma carré. C'est un jour de pression. Nishiku, ma chiku a kusongwa. On est pressé. Chibote, tu pas bien kusongwa. On est pressé. Tu bien kusongwa. Et on est pressé. Na tu kuna songwa tena. Puis, Kisha. On entend. Ma chiku a kusem. On roule à 99 à l'heure. Moutou ananza kuburula. Mon 99 valeurs, on a. Et ensuite, mon Kisha. Pour arriver à la maison, pour le souper. Et on a Kimbisha motoka mbio, jua ya fike kunyumba kure chakula mangalibi. Mais on attend des heures avant que ça soit prêt. Mais on a fika kunyumba tena, on a chunga bya kure bitafanya saa 2 jo bikwe tayari. C'est vrai. Bya kweli. Mungu avote mbariki. Que Seigneur bénisse. Angalia ta bantu kama bana tafuta kwenda pafuashi. Regardez quand les gens veulent aller quelque part. Ata bende bakatoshe franga kuma bank. Même aller retirer l'argent à la banque. Vous allez arriver à tout ça, ma makari makari ku bank. Pourquoi bantu beko file? Nini, ils sont comme ça. Pourquoi paka sababu iko nafanisha bank? Parce que ba kutulizana. Le pourquoi les gens ne sont pas agités? Bantu beko paka trop pressé mu maisha yabo. Ils sont toujours ba haraka. Apana frère. Non nduku. Apana dada. Non ma sœur. Mtu anaweza kuweko mu kanisa? Quelqu'un peut être dans l'église. Mais eko na pena mahubiri ishe mbio mbio. Mais il veut que le prédicateur arrête vite vite. Pour qu'il rentre à la maison. Mais on va arrêter la prédication. Lorsqu'il rentre à la maison, lorsque vous regardez ce qu'il fait à la maison, il est dans son salon en train de regarder. Il n'a rien à faire. Mais quand vous lui posez la question, pourquoi à l'église tu étais pressé pour rentrer à la maison, il n'a pas de réponse. Que Dieu bénisse. C'est ça dans l'âge dans lequel nous vivons. Les gens sont pressés. Et pour lequel ils sont en train de. Ça ne se voit pas. C'est la vérité. Tu es pressé, tu vas regardez les gens comment ils sont en train de conduire les véhicules. Même un chrétien, lorsque vous conduisez les véhicules. Vous devez conduire le véhicule comme un chrétien. Un enfant de Dieu. Dans tout ce qu'il fait. Il a de l'équilibre. Mushimamio mzuri. Que Dieu bénisse. Tu quittes seulement ta parcelle pour faire un kilomètre. Mais vous videz le tableau. Pas non, on a tout ça. Que Dieu bénisse. Mais on vous posera la question où vous allez. Juste ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant de Dieu dans tout ce qu'il fait et qu'on a mushimamio mzuri. Tu peux être en train de conduire comme ça comme un fou. Tu peux tamponner quelqu'un, voire même brûler les véhicules. C'est la vérité. Nkweli. Un enfant de Dieu dans toutes choses. Il ne peut pas conduire comme un fou. Nous vivons dans l'âge des gens qui sont comme des fous, des névrosés. C'est la vérité. Nkweli. Ok, on a endelea na sema hivi. Il continue en disant. C'est ce temps-ci. Ni muyo akati. Avec cet empressement. Na hiyo haraka. Et cet excès de vitesse. Na hiyo kukimbisha. Cela vous donne une tension nerveuse. Jo ile ikule mpacha ali moya makari makari. La femme dit quelque chose. Mwanamke bibi anasema. D'un peu contraire. Kitu kimwa kia kuachana kwa kidoko. Et vous voulez vous déchaîner? Na unapenda umuturie mambo yote. Mungu apate umbariki. Que Dieu bénisse. C'est que on a chiqué abantu hein. Voyez les gens. Ça devient tellement sous pression. Tellement qu'ils sont sous pression, chini ya kusongo. Beko incapable de supporter kintu kenye mtu anaweza kufanyia hata kibaya. Eko anashinda kuvumilia ce qu'on peut faire, quelque chose de mal qu'on lui a fait. On a kuta abantu beko naishi munyumba. Vous trouvez les gens qui vivent dans une même maison. Utawajia kusema beko mu mariage. Vous penserez qu'ils sont dans les mariages. Mais beko déjà divisé. Mais basha kwa chanak. Dieu a nini? Pourquoi? Bibe ko sous la colère. Parce que la femme est chini ya kasirani. Bwana na yeye sous la colère. Le mari aussi chini ya kasirani. Peut-être que mambo mwele bwana alimfanishia. Eh, pour un petit problème que le mari a fait. Ah, bibe alimfanishia. Ou la femme avait fait. Inafanya bwana shinda kuvumiliana. Ah, ils sont incapables de se supporter dans la maison. Na haina kitu kizuri. Et cela n'est pas une bonne chose. C'est la vérité. Ni kweli. La femme dit quelque chose. Bibi anasema kitu kimoja. Qui est contraire. Kia kuachana kutu na mawazo ya bwana. Bwana anamusha makari yote. La colère. Ile makari yote. Le mari dit quelque chose. Bwana anasema kitu kamoya. Vous tapez du pied. Ah, bibi kupiga kibukuru. Et vous lui dites d'entrer dans la chambre. Vous voyez? Eh bien. Naomba sasa unapiga mikulu chini chini naomba tuingie mwenye chambre. Mnaona? Mungu awe mbariki. Que Dieu bénisse. Il est hari, il est frère, il n'a pas de maro et abantu. C'est qui monte dans le cœur des gens. Il n'a pas de abantu, il n'a pas de makari. Il en rend les gens nerveux. Ba Christo a bekala ke bantu ba ile namna. Les chrétiens, ils ne sont pas des névrosés. Ba Christo ni bantu, Mungu amepatia la capacité. Ce sont des gens à qui Dieu a doté la capacité. Ya kusiporter mambo yote, hata kama inafika. Tout ce qui peut arriver. Mambo yote. Tout ce qui peut arriver. Comment il a fait quoi mutoto wa Mungu? Lorsque ça arrive à un enfant de Dieu. Adaiko ya bunene je. Peu importe la grandeur de ses problèmes. Dani ya mu Kristo. Dans un chrétien. Mungu alimpa capacité. Dieu lui avait donné le uwezo. Ya kuweza ku maîtriser. De pouvoir maîtriser kila événement. Chaque événement. Il est tapita mu maisha yake. Peut se passer dans sa vie. Makokotano ya mingi uko katikati ya bantu. Il y a beaucoup de tirements de disputes. Wajui bwa mingi uko katikati ya bantu. Divisions entre les hommes. Chuki ya mingi uko katikati ya bantu. Que nous trouvons parmi les gens. C'est parce que bandu kumingi na badada mingi. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Abana na capacité. Ils n'ont pas la capacité. Ya kusupporter ma pression. Supporter kule kusongwa. Mutoto wa Mungu abia kweli. Un enfant de Dieu authentique. Unaweza kumchambula. Vous pouvez lui insulter. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Eko na tio d'échappement. Eko na tio échappement tout d'ortoshia pour le pays kusonga. Mungu apate mbariki. Unaweza kumshusha heshima. Vous pouvez lui ridiculiser. Unaweza kumfanya bila bioto unapenda na mshimanga. Tout ce que tu veux. Hata kama anashikia. Même s'il apprenait par ses oreilles. Mungu apate ka tio d'échappement. Dieu lui a donné une canne. Il est pour nous permettre de supporter ma peau. Dieu a humilié, il est ma gumi. Mon Christ. Un chrétien. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Mon Un chrétien n'est pas plaintif. Écoutez, moi ici, écoutez, ces gens-là n'est même pas. Tout ça pourquoi? Que Dieu bénisse. Bien, tout ça pourquoi? C'est pourquoi on a le christianisme. Comment le christianisme, vous voyez? Aïna ma aventure, frère. Ce n'est pas de l'aventure. Aïna ma aventure, ce n'est pas de l'aventure, ma soeur. Le monde dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup des événements sur la terre. Ni ma pression exercée sur nos ce vies. Ce sont des pressions. Il est qu'on a tout mis quand il a marché et tout. Que Dieu bénisse. Et si vous n'avez pas les tuyaux d'échappement, ou t'as explosé, tu vas exploser ou t'as pas souka. Que Dieu bénisse. Dis-moi, si on vous insultait, on dit quelque chose n'est pas correct, et vous énervez contre la personne et vous ne voulez pas même lui parler, n'est-ce pas, vous avez explosé. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Écoute. C'est pourquoi on a chiqué à Frère Branham qu'on a sent un message. Frère Branham dit dans ses messages. Toujours laisser échapper la pression. Pas mouli ma oubili mon moya. Il y en a plusieurs autour de quatre. Tu as mis sommeil, il pense. Je vais vous lire Iwaz. Mais le Frère Branham qu'on a sent. C'est Frère Branham dit. Ini yamou le 22 juin 1962. Le 22 juin 1962. Mon paragraphe est 44. Frère Branham, qu'on a sait. Dans son paragraphe 44, il dit ceci, Frère Branham. Maintenant, écoutez, mes amis. Ça, c'est Waraf Kiangou Mushiki. Laissez-moi vous dire ceci. Mouniachin, Miambie Koivi. Lorsque vous sortez professant le christianisme, Paletou Unatoka, Ukuna Kiri, Osema, Nikomu Christu, Nikomu Christu. Ne prenez pas juste une idée de conversion. Apana Tukubeba, Mawazo Moya Kubadirika. Mon papa de Mbariki. Que Dieu bénisse. Comment est-ce que les gens qui croient à ce message, ils peuvent vivre mouboadoui? Dans notre royaume, ce sont des interdits. Amen. Ce qui fait que les gens sont devenus des ennemis. En train de se calomnier, parler en mal. C'est parce qu'il y a quelque chose qui les a manqué dans la cause. Ils ont professé être chrétiens. Parce que comment monte, frère? Parce que si quelqu'un qui est marqué, professe être chrétien, mais il n'a pas encore reçu le tuyau d'échappement, pas qu'à t'exploser. Un jour à ta pasuka. Il y aura des coups qui ne seront pas supportés à ta vumilia. Dans la vie des hommes sur la terre, il y a plusieurs coups mangoubi à Satan. Mais sans Dieu dans ta vie, il y a des coups que tu ne peux pas supporter. C'est la vérité. Ne prenez pas juste une idée de conversion. Vous allez exploser tôt ou tard. Il y a beaucoup de frères qui ont déjà explosé. Il y a plusieurs sœurs, elles ont déjà explosé. C'est la vérité. Nous quoi? N'essayez pas d'imiter quelqu'un d'autre. Apana kupima kufuatirisha mtu mwingine. Écoutez. Shikieni. N'essayez pas de faire semblant. Ushikapime kulaanda tu kuamini wala kwa Mkristo. D'adhérer à une église. Wala kujunga kukanisa mwa fulani. Ou de chanter des cantiques. Wala unaanza kuna kuimba mimbo. Vous devez naître de nouveau. Unapasha kuzalika mara ya pili. Et commencer dès le commencement. Na uende uanzie paka kumwanjo. Alors. Sasa pali. Cela supportera la pression. Jo pale utafika sa mkuvumilia kusonga. Aussi longtemps que vous contiendrez cela. Wakati yote utashika ile. Pour que cela n'explose pas. Ju ile ifike mkupasuka. Mungu apate ubariki. Kijo benisi. Regardez, frères et sœurs. Les choses de Dieu, c'est la vérité. J'ai l'habitude de dire. Avec l'expérience que j'ai dans les choses de Dieu, Je refuse souvent de me vanter dans quelque chose qui n'est pas de certitude. Je n'aime pas. Le christianisme, c'est une réalité. Que Dieu bénisse. Et si un homme, est né de nouveau, le Dieu du ciel, il vient placer le tuyau d'échappement dans sa vie. Et ce tuyau d'échappement lui sert à la pression de la vie. Que ce soit la maladie, que ce soit Kukosewa, que ce soit tout ce qui peut arriver sur la terre dans la vie d'un chrétien, Dieu lui a déjà donné quelque chose qui va lui permettre de supporter. Il est Kusongwa. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Un chrétien ne pleurniche pas. Celui qui t'a sauvé, c'est qui? Qui t'a appelé? Que Dieu bénisse. Un chrétien ne se plaint pas à tout moment, n'est pas un plaintif. Non. Non, ma soeur. Oh, mais bon, moi, mon mari me complique. Bibi, ma femme me complique. Oh, les enfants sont devenus rebelles. Vérifie toi-même. Est-ce que ton expérience est correcte? Un enfant de Dieu a la capacité de tout supporter. C'est la vérité. Nous quoi? Mais comment il a fille? Mais si ce n'est pas le cas, ah, t'exploser. Tu vas exploser au tapasuka. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui exercent la pression. Et quand tu observes, tu dis non, là il n'y a pas de problème. Que Dieu bénisse. Et c'est comme ça que les chrétiens marchent. Il n'y a rien. C'est la vérité. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur la terre, il y a plusieurs types de maladies. C'est parce que dans le cœur des gens, il y a des charges. Comment est-ce qu'un homme peut continuer à vivre dans ces conditions au moment où il y a encore de poids, des charges dans son cœur? Il y a 2 ans qu'on vous avait offensé. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu gardes encore ce problème. Non. Non. Comment est-ce que toi tu peux continuer à vivre comme ça? Garder le problème dans les cœurs. Cela amène même le diabète, maladie cardiaque. Ça amène de l'hypertension. Cela amène même des cancers. Et plusieurs autres maladies nerveuses au niveau des nerfs. Il fait assez que beaucoup de gens sont incapables d'avancer même spirituellement parce qu'ils sont en train de garder des problèmes dans leur cœur. C'est grave. Niatari. Un enfant de Dieu ne peut jamais continuer à vivre comme ça. Lorsque quelqu'un est sous pression des problèmes, vous allez voir quelqu'un, il devient nerveux. C'est grave. Niatari. Bishilani bia kupita. Colérique, Alexé. Il a une tabia avec Christ. Et ça, ce n'est pas la nature des chrétiens. Quelqu'un, il est tellement en colère, vous voyez même de veines qui s'élèvent. Un enfant de Dieu ne s'énerve pas à l'extrême. Non, Ndoku. Cela amène la nervosité. Frère, il continue en disant. Toujours disons, pas mon message. Dans ce message. Minakwamu 38. Il dit ceci. Avec tout cela, ces tensions, qui s'accumulent, alors, il s'ensuit qu'on fait quelque chose de faux. Il s'ensuit qu'on fait quelque chose de faux. qu'on agit mal. C'est vrai. Que Dieu bénisse. Tu ne peux pas vivre sous tension. Tu n'as qu'à et pas après agir correctement, non. Bandou bote na badada bote. Tous les frères et toutes les soeurs qui sont nerveux à tout moment et ils vivent dans le péché. C'est la vérité. Donc oui. Abraham dit que quelqu'un ne peut pas être comme ça et après il agit correctement. C'est la vérité. Donc oui. Maintenant, Sas. Cela amène les pauvres à agir de cette façon. Cela amène les gens de la classe moyenne à agir de cette façon. Cela amène les riches. Je pense que quelqu'un a beaucoup d'argent. Cela veut dire que le problème se sont atténués encore. Qui t'a dit ça? Plus franc que n'ongezeka. Au fur et à mesure, vous avez des moyens. Jo mambo na yo inongezeka sana. C'est à ce moment-là que tu as encore beaucoup de problèmes. I mambo ina na muti kuna épargner. Et ça, ça n'épargne personne. Ikuye ba pasteur. Que ce soit les pasteurs. Ikuye ba prédicateurs. Que ce soit les prédicateurs. Ikuye ba riches. Que ce soit les riches. Ikuye ba pauvres. Que ce soit les pauvres, amashikini. Dunia mwakati tu naishi. Dans lequel nous vivons actuellement. Bantu bote beko sous pression. Tout le monde est sous pression. C'est la vérité. Nous quoi? Cela amène. Il est qu'on a sukuma. Les mauvais à agir de cette façon. Bato waba na baanza kutenda mwinamna. Cela amène. Il est apeleka. Ceux qui sont assez bons à agir de cette façon. Bana bobe ko bazuna waya tena mwinamna. Cela amène. Il est na sukuma. À ceux qui sont bons à agir de cette façon. Bana bazura ba tena mwinamna. C'est à cause de la tension. Ni kwaji ya kule kusongwa. La pression accumulée. Kusonga kuna yala zaidi. Il faut laisser échapper cela. Inafadhali kuacha kompepo itoke. D'une manière ou d'une autre vous voyez. Unaona moyo na ingine mnaona? Si vous ne le faites pas. Kama ufanye vile. Vous allez faire exploser la chaudière. Ni kusema ile chaudière itapasuka chungu. Kiai ça va exploser. Mungu apate umbariki. Mnaona? Eh bien. C'est ce que nous voyons. Mzuri, na enjoy le tunaona. Cela s'accumule au fur et à mesure que les jours passent. Nous sema mashiku unaenda, bitu binaenda kuyalana kusonga kuna yalana. Vous parlez à votre patron. Unaambia unaenda sumbura pa chef yako amkazi. Eh, vous êtes au travail. Umkazi. Oh, ceci cela. Banafanya kwa hivi na hivi. Et si vous vous adressez à votre enfant? Na unafika kunyuma unaambia mtoto yako. Viens ici. Kuyama. Mama, voyez-vous, vous y êtes. Unaona mko unafuata. Ça accumule, oh là là, vous voyez. Ile biote mama kari iko naenda kuyalana. Unaona madi, même dans nos maisons. Unaweza kuwa na watoto wengine ni washindikana. Tu peux avoir des enfants impossibles. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Mtoto wa Mungu bila biote. Un enfant de Dieu tout ça. Watoto bashikushikie. Que les enfants soient bénissants. Ou la femme te complique. Ton mari te complique. Ba voisin be kona kumenacer ku mashamba. Les voisins te menacent. Mungu alidotaka watoto yake. Dieu a doté capacité moyen ya kusupporter mambo yote. Supporter tous tes problèmes. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Dieu a doté à ses enfants le wezu. C'est pourquoi on a comme Christ. Donc comment vous voyez les chrétiens? Ah, qui sont sauvés correctement? Et ils font longtemps même sur la terre. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous quoi? Ils ont beaucoup de choses sur la terre. Et ce qui tue la plupart des hommes sur la terre, ce sont des choses qui sont en train d'accumuler dans leur cœur. Et cela exerce une poids. Et ça amène des crises. Tension et dans la diabète. La sucre dans la coupanda. C'est la vérité. Ni ukweli. Quelqu'un à tout moment. Si quelqu'un continue pas qu'à kusongo, et cet homme n'écoute même pas. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. C'est un homme colérique. Anakuwa mutu wa makari makari. Ashishiki yake. Et il n'écoute plus. Mutu kama frère kona bishilani. Lorsque quelqu'un est sous colère. Anaweza kubeba ma décision. Il peut prendre mipango moya. Il a shinge beba wakati alikuwa tuivi bien. Tu ne pouvais pas prendre à l'état normal. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi frère. Sœur. Dad. Kama unaona unakuwa sous pression. Lorsque vous voyez être sous pression, apana kubeba ma décision. Abstenez-vous de prendre des décisions. C'est tout pour moi, hein? On est ensemble. Apana kubeba ma décision. Abstenez-vous de prendre des décisions. Parce que njoa kati jeta na tumikaka. C'est ça le moment idéal que le diable travaille fortement. Dieu a couru ta vie. On a besoin de ma décision sous pression. Une décision chini ya kasirani chini ya kusonga. Il a compliqué ma vie yako yote. Et ça va compliquer toute ta vie. La vie là utakufuata. Jusque même à la mort. C'est la vérité. Nous quoi? C'est pourquoi on en a mon Christ ou bien quoi? Un chrétien. Peu importe comment on a mon fikir. Résoudre les problèmes qui peuvent lui arriver. En ekalaka toujours na équilibre. Eko paka na mushimame muzuri. Eko paka na équilibre. Eko na mushimame muzuri. C'est la vérité. Nous quoi? Vous avez trouvé quelqu'un, on lui réplique ici. Et lui aussi il réplique. Maintenant, ce sont des tiraillements, des ping-pong. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Que Dieu bénisse. Un chrétien, tu peux l'insulter, l'outrager là. Tu fais quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Il te regarde comme si de rien du tout. Toi, tu peux faire ça. Tu sauras. Toi, si on te dit quelque chose qui ne t'arrange pas, ou on fait quelque chose qui ne t'arrange pas, tu t'énerves et tu manques même l'appétit. Non, Ndoku. Oh, ma soeur. Ces choses-là ne peuvent pas se retrouver au milieu des chrétiens. Nous croyons. C'est la vérité, nous sommes à la fin. Tout comme moi, je suis bien quoi. C'est pourquoi on a la Bible qu'on a la Bible dit. Ni conseille la Bible. C'est la Bible qui nous conseille. Lisons. Pierre. Petru. Pierre. Petru à Kwanza. Chapitre 4. Petru à Kwanza, il est. Ni qu'on a beba verset à 7. Bible n'a pas. C'est ça qu'il y a ça, la Bible dit. La fin de toutes choses est proche. Mwisho wa kila kitu na karibia. Soyez donc sages et sobres. Nikusema muwe basi ba kiasi. Na hekima pour vaquer à la prière. Kuju ya kudumu maombi. Mungu apate mbariki. Tuko nasemea mwi namna frère parce que tuko naishi kumashiko ya kumwisho. C'est parce que nous vivons dans le jour de la Bible jour, dit mukuye na hekima. Soyez sages. Hekima itokake kukukawia mukanisa. On ne reçoit pas la sagesse parce qu'on a fait longtemps dans l'église. Non. Hekima itokake mukuyurikana mukanisa. On ne reçoit pas la sagesse parce qu'on est connu dans l'église. Hekima itokake mukupata mali mingi. La sagesse ne vient pas dans la richesse. Apana nduku. Non, nduku. Apana dada. Oh, ma soeur. Ao mukuya na mafazi ya mingi. Parce que tu as beaucoup de vêtements, tu Ao es devenu sage. Na ya mingi. Parce que tu as beaucoup de moyens, apana voilà tu es devenu sage. Non, nduku. Mutu mwenye kuya na hekima. Un homme sage. Ni mutu ule anapatana na Mungu mu maisha yake. C'est celui qui a rencontré Dieu dans sa vie. C'est la vérité. Nukweli. Sa vile tu wanaishi kumashiku ya kumwisho. Comme nous vivons dans les derniers jours. Biblia kunasema soyons sages. Tukweni ba hekima. Peu importe ce qui arrive. Soyons sages. Tu es battu par Ekima. Ah, on passe à vous dire tuika maman. Tu ne peux pas te charger des problèmes. Où t'es là, wapi na ile maman? Tu iras où avec ces problèmes? Apana frère. Non, Duku. Apana dad. Non, ma sœur. C'est la vérité. Dukweli. Soyons sages et sobres. Tu es battu par Ekima na kiasi. On a la sobriété. Hein? C'est ma quoi kiasi? Il est sobriété ni qualité moya ya bantu. C'est ma ni ali moya sobriété des gens. Il est Mungu anawekaka mubake batoto. Que Dieu place dans ses enfants. Inabasaidiaka. Et cela le permet. Bashikue benye kubebwa na kila mambo. De gens qui ne soient pas emportés de tout problème. Mungu apote mbariki. C'est ça la sobriété. Dieu il est sobriété. C'est que ni bantu ba moya pa dunia. Ce sont les gens. Abana kubantu bote. Et il ne se retrouve pas parmi tout le monde. C'est là se trouve Mungu le enfant de Dieu. Abo. Dieu a placé la sobriété chez moi. Cette qualité il est là-bas, qui permet aux chrétiens à Izuru, Mambo de Tafika et les événements qui se passent sur la terre ils ne sont pas emportés quoi, au Pessi. On est ensemble. Mungu apote mbariki. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous les chrétiens. Mon frère, soeur, un enfant de Dieu. Dans le jour dans lequel nous vivons. C'est que le monde exerce la frère pression. C'est Satan qui fait ça. C'est pas Satan qui l'a fait inviler. Que Dieu bénisse. Aïna quoi boule Bible qu'on a sema moudé Timothée chapitre 3. Timothée a pu soit qui a tatou. Asema dans les derniers jours. Moi, je suis quoi à il sera difficile de trouver le quelqu'un. Il t'a quoi qui goumou coupata parce que c'est la query. Dieu a dit. Parce que les hommes seront égoïstes. Batou batou batou batou batou batou ils seront emportés. Batou quoi ben yekoube et bois. C'est malé aujourd'hui. Si vous regardez la vie des frères et sœurs, les gens sont emportés. Et si les gens sont emportés, et ils sont en train de perdre le contrôle en Galicho. Est-ce que tout va on est ensemble. Sous tension, frère. Lorsque vous êtes sous tension, on a. Je vous donne l'exemple. Lorsque je vais venir prêcher, lorsque me dit que tu vas prêcher, à un moment donné, je me sens sous pression, mon Dieu. Que Dieu bénisse. Maintenant, mon cuir sous pression, Dieu m'inata koubiri. Quand vous êtes sous pression parce que vous voulez prêcher, esprit anguyote. Hein, mon esprit entier. Il n'a qu'à focaliser par la kumyandiko. Sera focalisé sur les Écritures. Que Dieu bénisse. Mouille wakati le. Et en ce temps-là. Atama kelele shipenda. Je ne veux même pas entendre de bruit. C'est tout pas moi. Que Dieu bénisse. Shipenda katama mouvement ya brutal ya avant. Je ne veux même pas de mouvement brutal. Bila, c'est que biko na nifuanya mubaya. Me rend un peu malade. Tout pas moi. On est ensemble. Ça, Léoï, frère. Maintenant, aujourd'hui. Léoï, dada. Aujourd'hui, ma soeur. Bandoukou, ba mingi, na ba dada, ba mingi. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de soeurs. Ça vit les chétanes qu'on a tout mis en angoufou. Comme les diables sont en train de travailler avec force. Olé, bandou, ba kouye pressé. Olé, que les gens soient pressés. Tu es habitu, bien mungu. Pour avoir les choses du ciel. Chétanes, na ba embrouillé. Et les diables les embrouillent maintenant. Mungu, ba te oubariki. Que Dieu bénisse. Anaïe, frère. Regardez, Ndoukou. Kama moumaïcha, yako. Si dans ta vie. Il y a quelque chose qui exerce la pression. Ça vous sera difficile de vous préparer. Parce que si vous êtes sous pression, il y a quelque chose. Vous allez perdre le contrôle, D'autres choses. Est-ce que vous une fois vous suivez? Jeune fille. Même si une jeune fille. Elle est sous pression pour entrer dans le mariage. Elle ne va même pas prier correctement. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous sous pression. Lorsque vous êtes sous pression, que vous soyez engagé. Vous êtes sous pression. Même venir à l'église, ce n'est pas important. C'est pourquoi on a Dieu nous dit. Laissez échapper la pression. Moi, je suis un peu toki. Des choses qui existent à la pression. À tout prix, on y foigne. À tout prix, vous voulez à tout prix. Ce sont des choses que vous devez laisser échapper dans votre vie. Il dit c'est l'une des choses qui fait casser aujourd'hui. Les gens sont incapables de devenir bakiro. Que Dieu bénisse. C'est parce que mumaisha yabo. Dans leur vie. Beko toujours sous pression. Beko paratini akusongo. Na bila bitu biko na bafone ma pression. Ces choses qui existent la pression. C'est seulement les choses de la vie. Paka bitu tu ya maisha ibi. Qui sont passagers. Bien d'ailleurs kupita. Mungu abote mbariki. C'est pratiquement impossible. Iko ya nguvu kabisa ya kushindikana kabisa. Wakati mtu akingalika na angalia sema. Lorsque un homme regarde encore. Il faut ni kuwa na maisha ya kumpita uli. Je dois avoir une vie un peu supérieure à l'autre. Anaanza kutumika. Et il se met à travailler. Na kufokaliser maisha yake yote pa ile mambo. Focaliser toute sa vie sur ça. Ule mtu ataji préparer shukani. Quand est-ce que cet homme va se préparer? Il faut à tout prix na mimi paka niuze tu motoka. À tout prix moi aussi je dois payer le véhicule. Inakuwa njo pression sa maisha yake. C'est devenu une pression dans la vie. Kama analala lorsqu'il dort. Je m'excuse. Ça m'est écrit. Et qu'on a l'autre pas qu'à user moto. Il est en train de rêver le véhicule. Apana frère. Non Ndoku. Mungu abote mbariki. Que Dieu bénisse. Apana Ndoku. Non ma sœur. Apana dada. Non mon frère. Mon Christ, mutoto wa Mungu abia kweli. Un chrétien, un enfant de Dieu. Kile kina basha kufanya pression mu maisha yake. Il doit exercer la pression dans sa vie. Ni paka mambo ya Mungu. C'est seulement le choix de Dieu. Na kama batu barikuya vile. Et si nous tous étions comme ça. L'église devait avoir un autre niveau. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Parce que Mungu wa mbingu, le Dieu du ciel, ashiweze kuikala mu maisha ya mtu, il ne peut pas habiter dans la vie d'une personne. Wakati mtu akingariki sous pression, au moment où eko chini ya kusongwa, ya hivi vitu vya padunia, avec ces choses de ce monde. Hapana. Non. Mungu ashiweze kutembelea. Dieu ne peut pas vous visiter. Kama unaangalia makalkili yako yote, de vos calculs, ma ambition yako yote, vos ambitions, kule kuna empressement sana, là où vous avez des empressements, ni pas gumi tu bia dunia, c'est seulement au chaud du monde. Hapana frère. Non donc. Yesu Kristo unarudia. Jésus revient. Nous vivons au temps de la fin. Un enfant de Dieu authentique, il devait avoir quelque part où se reposer. Un lieu de refuge. Un lieu de sécurité. Ukingo, là où, peu importe les problèmes. Il y a l'amortisseur, il est Bushito. Qui est en train d'amortir un peu. C'est la vérité. Nous quoi. Mungu abote mbariki. Que Dieu bénisse. Léo kama bantu abaji consacré. Aujourd'hui si les gens ne se consacrent abaji toi kuma homme. C'est parce que beko sous pression. Dieu benye kuzbeko benye kusongwa. Kumbe mungu naenda wapi? Alors vous allez où? Na mungu na kimbia nini? Et vous courez pourquoi? C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. Kwa chaque frère, chaque soeur. Ulipasha kwanza unaikala. Tu devais d'abord t'asseoir. Unajiuliza niko naenda wapi? Et te poser la question où est-ce que je suis en train de partir. Mingi abajue niko lebeko naenda? Beaucoup de gens ne savent pas où ils sont en train d'aller. Niki lebeko nafanya? Ce qu'ils sont en train de faire. Hapana frère. Non Ndoku. Mungu abote mbariki. Que Dieu bénisse. Ni ma condition mo mbaya sana. Ce sont de pires des conditions. Auye kile kunafanya? Tu ne sais pas. Na auye kule konaenda? Tu ne sais pas où tu vas. Hapana. Non. Mambo ya Mungu haikalake vile. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Aïkalaka vile frère. Ce n'est pas comme ça. Aïkalaka vile dada. Ce n'est pas comme ça. Mambo ya mukama kuko domaine. Le show de Dieu kama mku mkazi mu. Il est quoi ya yulu kupita ma domaine yote. Domaine yenye kwa supérieur à. Ni mambo ya Mungu. Ce sont les choses de Dieu. Andari ata ma société. Regardez même dans les entreprises. Kama mtu bana mwangaje ku société. Lorsqu'on vous embauche dans une entreprise. Beko na monesha kaja yeye kufanya. On va vous dicter ce que vous devez faire. Maintenant mtu choisi comme société comme mécanicien. Tu ne peux pas être dans une entreprise tu es mécanicien. Mais tu ne sais pas tes limites comme mécanicien. On te pose la question, vous entrez à la Jekamine, quelle est votre fonction? Il dit, je travaille. C'est quel travail? Il dit, je travaille seulement. Et les gens seront étonnés. Que Dieu bénisse. Enlevons la chrétienté dans la. Imaginez, les choses de Dieu, c'est vrai. Tu es prédicateur. Tu dois savoir pourquoi tu prêches. Tu chantes à la chorale. Tu dois savoir tu chantes pour qui. Tu adores. Tu dois savoir que tu adores qui. Comment expliquer bandu ma société mais qu'on a déjà ma tâche mais qu'on a papatia. Dans les entreprises, les gens sont conscients de leur tâche. Mais seulement dans les choses des dieux. Les gens ils ne savent pas leur fonction. Apana frère. Non, Ndou. Non, ma soeur. C'est pourquoi mon bitou bien mou. Comment dans les choses de Dieu. Comment on a goussema kouko. Si bitou a bien deke. Il y a des choses qui ne marchent pas. Reste à genoux. On a ma homme, frère. Voyez la prière. Il a n'yolo chaka bitou bien chouko endeka. Recadre les choses qui n'étaient pas correctes. La prière donne des révélations à l'homme. Des choses qu'il ne comprenait pas. C'est seulement à genoux dans la prière. C'est la vérité. Nous quoi? L'âge dans lequel nous vivons. Ça veut dire comme le monde. La condition de la dunia ya leo. Et l'état du monde aujourd'hui. Et qu'on a fait la pression sur le Christ. Exerce la pression sur les chrétiens. Nous devons chercher. Tuyau d'échappement. Notre tuyau d'échappement. Tout est de l'air. Nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. Nous devons méditer. angalie ni nini unafanya pression sur sa vie. À ta vie. Parce que moi il est ma condition frère. Parce que dans ces conditions. Il faut à tout prix pas qu'on fasse. Il n'a pas à que tu puisses faire cela. Na inakufanya unakuwa névrose. Et il est enfin quoi ça basi moi makari makari. Bado unafanya vitu paka haraka haraka. Et les gens sont toujours pressés dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Mungu naenda wapi? Où est-ce que vous allez? Mungu nakimbia nini? Et vous courez pourquoi? Apana? Non. Il est ma condition, frère, de faire des bitu mille namna. Faire des choses de cette façon. Frère Branham, qu'on l'assema. Frère Branham dit. Ni kusema kuku danger fulani kuna gete maisha ya bantu. Il y a un danger qui guette la vie des gens. C'est la vérité. Nous quoi? Comment bantu abara bakutuliza? Comment est-ce que les gens ne sont pas tranquilles? Mambo yote mbona ne font pas la précipitation. Ils font tout na waraka. Mungu asiweze kutraiter na bantu ba vile. Ne pas traiter avec des pareils. Mungu anatraiter na bantu benekuya tranquille. Avec les gens benyekutulizana. Tombe Mungu Shibo. Prions tous ensemble.